Ok, c'est A. Ouais, Lonely Clean, hein. Poison, marginal, sosa, c'est ouais. J'ouvre le bal, petit plus savent tenir avec la mort, j'ai un interview. Mec du 7, 5, 7, 8, ça va se tenir, donc gare à vous. Nos détentions, c'est pire qu'une garde à vue. Quand as-tu vu dévoiler ma vie dans ce magazine? Ma gueule, marquée par les séquelles de la vie. À ton avis, j'ai passé les caisses, les chocs, loin pas leur avis. Crime en bloc, cherche le glock, défonce tout le bloc. Il est fait complet, qu'une serre de balle, ouais mon pote. Ouais, c'est hostile, des skis, devoir marquer qu'une grosse dose de morphine. Pour mes victimes, reste une blisse, négro, pas travesti. Si marche droit, une balle dans l'orifice. Si tu pars en couille, exemple d'un sacrifice. C'est X, les droits, trois, on vient foutre le souk. Moi j'en force, si tu biches pas, les touches vont faire souk. Rien à foutre, t'as chopé. Viens, injecter quelques gouttes de plus pour mon sauce poison. Rime à foison, monte le son à fond et pète les cloisons. L'album arrive, je viens faire ma moisson. Mets de la boisson pour la famille et que les miss mordent à l'hameçon. J'ai trop de façons de tuer le beat pour construire mon avenir. Ma son qui débite, j'attends que les briques tombent. Comme un clip bombe le torse, oh ils sont là. J'suis pas seul, j'viens toquer à ta porte, prépare ta tombe. T'as envoyé les vautours, traquer la colombe. Et ben ma gueule, paix au content, l'impact de ces bombes. On donne du lourd aux catacombes, rase tous les gars tombent. Numéro de meurtrière, et on frise les catombes. L'éléphant d'Afrique, toujours au pêche barré. Mettre l'or, t'es pas de mon avis, alors barré. Ici la rime est kamikaze et qualité. T'as de la mauvaise cam, casse-toi et laisse faire les dealers de rire. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Je peux parler d'autre chose, ma vie elle est trop morose. Arrose les salopes qui parlent mal, motherfuck. On te pèse pour des histoires banales. Regarde derrière toi et sur ton négro, fais attention à la banane. Ça fume des shit à mort. Demande à Nino Brown, ça rigole pas. Rien que des ambiances corps. Trafic en dame comme Kadhafi. Insolent comme Mané, le monde m'appartient. Comme Tony, jeune Zaïrois. J'suis le roi depuis ma naissance. J'me dépite dans le cul, tu vois pas, t'as trop de chance. Si j'mets l'été pour mes frères et mes sœurs, demande à mes ER, les traîtres ou passe le week-end. Dans le coffre, le pen marche à poil dans ce square. Les balles en toffe, en train d'air le cam tartare le soir. Et gros, poison l'onné, marginal sosa. On vient de saucer, te coupe la bite comme Kaiser sauce. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Rien à foutre ton showbiz. Et bon, sans bec, ça marche pas grave. Je tire la chaîne. Poison. Wesh. T'es pas, regarde. Non, c'est un truc d'eau, poison. Wesh. Ah, tu te déchires, c'est un truc d'eau. Ah, si, merci, merci. Bien, au revoir. Wesh, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais j'ai. Putain, non, mais c'est un truc de ouf. Et moi aussi je rappe, hein. Moi aussi j'ai rappé, je te jure, sur la tête de l'homme. Ouais, mais la fille de ma mère s'est rappée, regarde. Et je rappelle Rap Dad. Vas-y. Rap Dad, tu sais, je rappe, je suis hardcore comme les couches de mon bébé. Ah, je déchire moi aussi, putain. Ouais, tranquille, tranquille. Ça va quoi? Ouais, tranquille, et toi? Ah ouais, je kiffe ce que tu fais, franchement. Ah, c'est merde, franchement. Ménage à trois, tout ça, vous êtes trop fort, non, monsieur. On est toujours R. là. Jekyll, tout ça. La Lionel. Toujours là. Manu, tu dis quoi, lui? Ouais, il est là. Ah, je kiffe. Ah ouais, t'as vu, franchement, on fait le perrin. Y'a moyen de faire un featuring? Ouais, y'a pas de soucis, hein, mon frère. Non, franchement, s'il te plaît, allez, ouais. S'il te plaît. Y'a moyen de faire un featuring, s'il te plaît. Vas-y, je vais essayer de...